Yeah, Escobar, Funketeer, nigga. Funketeer, Escobar. Allez vous faire baiser. J'exorcise, exercice de style. Mon son exhaustif, rime excessive. J'exauce qu'il faut style, le phrasé a pas d'ex-écho. Soit je gagne ou tu perds, on dit son père mais ça pompe, j'entends les échos. Le même pléonasme, il faut que je grimpe en haut du sommet. Je m'en bats les couilles savoir si c'est pléonasme. Me comparer c'est nul. J'ai la haine, ça se terminera comme Zorse Pousse et Ben Laden dans la même cellule. Je veux être celui que les mecs honorent. Nous une putain de Sarah Connor. Ou finir statut de sel comme dans Sodome et Gomorre. C'est pas le Comore, mais Kinshasa en artistique. Négro ça parle mal, le rap un art trop triste. Allez vous faire baiser, je vais pas changer la réplique. Sous prétexte qui rappelait que sans clic, j'insulte et je m'appelais. Allez vous faire baiser, une bastos dans la rétine. Allez tous en enfer, on n'a pas sucé la même tétine. Rien que ça queen, les drag queens, chacun vit sa vie. Un vis-à-vis pour l'hôpital, si on se croise vis-à-vis, vas-y. J'aime pas les critiques, le mensonge vient s'agréger. À elles, les salopes, je vais les abréger. J'rap ma vie, elles sont toujours audibles, toujours crédibles. Et je le jure sur la Bible, que j'ai jamais sucé pour un vide. Je sais à qui je m'adresse, qu'ils aillent se faire niquer. Avec ou sans, j'y arriverai, c'est une promesse. À quoi bon, si t'es les blases, respire. Ça sent le gaz, je vais pisser et faire déborder le vase. Je me raconte pas bad boy, si tu kiffes pas, t'écoutes quand même. T'en as ras le bol, je m'en bats les couilles, un pur album. Allez vous faire baiser, je vais pas changer la réplique. Sous prétexte qui rappelait, sans clic, j'insulte et je m'appelais. Allez vous faire baiser, une bastos dans la rétine. Allez tous en enfer, on n'a pas sucé la même tétine. Allez vous faire baiser, je vais pas changer la réplique. Sous prétexte qui rappelait, sans clic, j'insulte et je m'appelais. Allez vous faire baiser, une bastos dans la rétine. Allez tous en enfer, on n'a pas sucé la même tétine. Peut-être parti de rien, peut-être pour arriver nulle part. Mais y'a que Dieu qui ait la carte et qui connaisse ma part du gâteau. Dans ce monde où les gens se plaisent à me faire du mal, moi je les baise. Les DJ qui jouaient les DJ clous, qui m'ont sauté de leur mixtape des fils de pute qui ne valaient pas un clou. À ceux qui sipotaient pour des instrus, qui boitaient malade, connard. Allez faire de la zig au Guatemala. Mauvais défaut, oui je sais, je suis rancunier, toujours prêt à cogner. Pire qu'un tigre, suis un braconnier. Je vais soigner les mecs de la thèse qui parlent sur mon dos. Et le parisien parlera de mon expédition commando. Allez vous faire baiser, je vais pas changer la réplique. Sous prétexte qui rappelait, sans clic, j'insulte et je m'appelais. Allez vous faire baiser, une bastos dans la rétine. Allez tous en enfer, on n'a pas sucé la même tétine. Allez vous faire baiser, je vais pas changer la réplique. Sous prétexte qui rappelait, sans clic, j'insulte et je m'appelais. Allez vous faire baiser, une bastos dans la rétine. Allez tous en enfer, on n'a pas sucé la même tétine. À tous mes ennemis de la musique et de la rue, moi je vous explique. Que celui qui me veut prend un ticket, fait la queue. Quoi de neuf les mecs de les guet-apens tombent à l'eau. Dans le peura comme dans la vie, je marche en solo mollo. Y'a pas de contrat sur mon crâne, Masta. Ça joue les durs, bicraveur de Doliprane bouffon. Du courage dans le nombre, y'a du sahu. C'est Maxon, on dit quoi? Le seul bœuf qui tire la charrue, série. Siffler les pédales à cette heure-ci, ça sert à que dalle. Foutu pédéraste et dire que serre la main à ses pédales. Lâchez les pompes, lâchez les bandes, wesh, y'a un souci. Un tête à tête avec Esco, juste un rendre suffit. Juste un rendre suffit. Avec Esco, Esco. Un tête à tête, fils de pute. Po, po, po, po. Ouais, po. C'est qui se vise. J'vous baise, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Même toi, toi là-bas, toi. Allez, sous ma bite, à genoux. À genoux, ouais. Plateforme calibre, dash. Drive-by, CC.